chiffrer devant maman chaque fois que je pousse ta mère. Maman veut plus justifier pour mon absentéisme. Fuck tes égyptiens, je crois qu'en une personne fuck le polythéisme. Parle avec nous mon pote, tu prends tes risques, tu flippes tes poils, c'est risque quand tu réalises. Rien que la scène bouge comme le séisme, elle s'offrise quand je fais les scores de tennis. Quand je rentre dans ta soirée, je ramène rien, plus je repars le ventre plein. Des pétations, on a plein, après plein, j'ai même pas besoin de passer d'appel. Quand je rentre dans ta soirée, je ramène rien, plus je repars le ventre plein. Des pétations, on a plein, après plein, j'ai même pas besoin de passer d'appel. Je vole juste de la veille, poteau, je vois pas de label. J'assure ma paye, c'est falas sous ma paire. Une fois suffit pour les faire, je connais pas la belle. Y'a tout ce qu'il faut, pas besoin de passer d'appel. Je fais gaffe quand je reçois l'appel, tu veux assurer ma paye. Tu fais gaffe quand je reçois l'appel, tu veux assurer ma paix. Je comprends le poil, russe, encore moi chinois. Si c'est de la bomba, ça vient de chez moi. Pour faire des thunes, pas besoin de schéma, pas besoin de schéma. On débarque chez toi, rabat les putes, encore plus tes potes. C'est fils de à la vie, c'est des faces. Rabat la pure, un chapeau à poil. Mais fais pas triquer, j'ai pas fini le stock. Je comprends le poil, russe, encore moi chinois. Si c'est de la bomba, ça vient de chez moi. Pour faire des thunes, pas besoin de schéma, pas besoin de schéma. On débarque chez toi, rabat les putes, encore plus tes potes. C'est fils de à la vie, c'est des faces. Voilà pur, on tient pour la pote. Fais pas triquer, j'ai pas fini le stuff. C'est ta putain qui se demande si le lion en pèse. Elle vient après le show et elle veut qu'on la pèse. Envoie-moi plus de pièces. Si je meurs, je prêche, j'ai gigoté plus de têtes. Viens sur mon île si tu veux goûter la machette. Ta pute elle est bonne, c'est pour combien que je l'achète. Toi t'es un tox, t'es mal si t'as pas tes cachets. Tu serais capable de baiser ta soeur en cachette. Hein? Négro marron, il a pas le temps. Voiture de luxe, lui il en veut 400. Il a pas le permis pourtant. Tu sépares une allemande dans une allemande. Hein? Tape la prod, comme si c'était une pute. Comme si c'était une fan, une chienne, une nina qui veut montrer son cul. Hein? Comme si c'était une fan, une chienne, une nina qui veut montrer son cul. Hein? Comprends le poil, russe, encore moi chinois. Si c'est de la bomba, ça vient de chez moi. Pour faire des thunes, pas besoin de schéma, pas besoin de schéma. On débarque chez toi, rabat les putes, encore plus tes potes. C'est fils de à la vie, c'est des faces. Rabat la pure, un chapeau à pâte. Mais fais pas triquer, j'ai pas fini le stuff. Comprends le poil, russe, encore moi chinois. Si c'est de la bomba, ça vient de chez moi. Pour faire des thunes, pas besoin de schéma, pas besoin de schéma. On débarque chez toi, rabat les putes, encore plus tes potes. C'est fils de à la vie, c'est des faces. Rabat la pure, un chapeau à pâte. Mais fais pas triquer, j'ai pas fini le. Tous les soirs on est pété, pourtant on n'a rien à fêter. Font les plugs, sont endettés. Fait faire des sons d'été, fils d'up. Dis-moi où t'étais, quand ça taille des dents là, les fils d'up. T'étais pas né, t'es qu'un petit tripané, bitchasse. Tu m'as fané, elle est pour LZ cette année. Descends en rappel de la falaise, avec moi joue pas le balèze. J'peux en shoot 4 à l'aise pour ensuite finir au palais. L'addition est salée, je prends le cash et je te dis salem, fume la verte, comme c'était l'MLM. Quand je mets sans télé, elle sait qu'on est tous des fêlés. J'ai de la auquel est célèbre, fume la verte, comme c'était l'MLM. Quand je mets sans télé, elle sait qu'on est tous des fêlés. J'ai de la auquel est célèbre. Je comprends toi, russe, encore moi chinois. Si c'est de la bomba, ça vient de chez moi. Pour faire des thunes, pas besoin de schéma, pas besoin de schéma. On débarque chez toi, abat les putes, encore plus tes potes. C'est fils de à la vie, c'est des faces. Rabat la pure, un chapeau à poil. Mais fais pas triquer, j'ai pas fini le stock. Comprends le poil, russe, encore moi chinois. Si c'est de la bomba, ça vient de chez moi. Pour faire des thunes, pas besoin de schéma, pas besoin de schéma. On débarque chez toi, rabat les putes, encore plus tes potes. C'est fils de à la vie, c'est des faces. Rabat la pure, un chapeau à poil. Mais fais pas triquer, j'ai pas fini le stock.